Buter quelqu'un sérieusement, c'est comme couper ses ongles de pied. On a la flemme de se mettre à la tâche, mais on s'aperçoit que c'est beaucoup plus simple et rapide qu'on le pense. On se dit qu'on mettra un long moment avant de recommencer, mais on s'aperçoit qu'ils ont déjà repoussé. Ma vendetta. Soit. Les 45 000 raisons de la colère. Si c'est pas moi, c'est qui? ESCO Bar Maxon et KF Fossoyeur, je te fais pas de croquis. Ici présent car y'a plus de place, le messager de l'enfer, horrible ou mauvais, entre le pire et le mal, un bras de fer. Après la résurrection, la colère n'a qu'un nom, insurrection anti-Turing, sniff la poudre à canon. 93 000 volts, révolte sans revolver, n'annonce pas la fin du problème avant qu'on le résolve, merde. Morceau en cocktail bien agité, DJ Amdi, mais ça te spie comme un GT, qu'on en parle même dans les JT. Coco punchlines, attisé, aiguisé, la rime du skit c'est des bienvenus sur Crash Test Airlines. Reste mobile, n'écoute pas les trucs débiles qu'ils disent, on deal des kills, mon rap te blesse comme dans Kill Bill. On a voulu m'enterrer, entre Père Lachaise et Kitambo. Sors mon kit de Rambo, dis-moi donc où opérer. Visage coincé, on croit que je boude. Ne montre pas du doigt où c'est la machette. Tu vas jouer du tam-tam avec le coude. Pique-rape pas ma peau si t'es pas venu au funérailles. Pour pas oublier ma haine, je me suis tatoué le mot représailles. Si mon scud c'est des cacahuètes, j'suis black pack pack. Plus de règles, le pacte a pris feu, j'ai la plume dans le pactage. Violent comme à Bagdad. Putain, je te l'avais dit. Les palquins sentent la patate quand je crache un inédit. J'suis méchant comme le diable bête en une seule ligne. Aussi vrai que vont ensemble le diabète et l'insuline. J'ai ma vendetta, je viens dire dans le tas. Un micro Beretta, les mecs qui suis taré des textas. Ça c'est un attentat, un tronçonneuse, je remets les pendules à l'heure. J'ai ma vendetta, je viens dire dans le tas. Un micro Beretta, les mecs qui suis taré des textas. Ça c'est un attentat, un tronçonneuse, je remets les pendules à l'heure. Drive-by firm. Jamdi, Raini, Joseph, Awanza, cocaïne, section criminelle, l'alco, frère fort, 7 Gego, poison, blackjack des démocrates, causé à tous les hoods, 100-7 école de Beaux-Arts, grand coin Mazaré Charif, alien des Kaboul. Au quartier soleil, même si la lumière du jour n'y passe pas. Paul en 20. En clair, je m'adresse à tout vite danneuse, négro. Ah ouais. Pierre vite. Stein. Sarcelle en passant par Noisienne. 7-7, très DSP. 94, Créteil. Y'a qu'un pas de la carte CB au braquage de la Brinks. Sergi. 95C. C'est la famille, négro. C'est la famille. Saint-Ouen-l'Aumône, Mantes-la-Jolie, Nanterre, Clichy-sous-Bois, Montfermeil, ici les Moulineaux, Maki la musique, c'est Maki la musique. A tous les mecs qui bronzent rayés derrière les barreaux, Villepin, Fleury Mérogès, Bois d'Arcy, Oni, Frey. La santé, les pommettes, à toutes les tôles de France. Que tous les quartiers de France qui sont avec moi sortent les proliques et tirent en l'air.